Mon époque, ma radio. Parlez-moi d'amour, redites-moi des choses tendres. Point G. Point G. Comme Julia, sur le Move. D'amour. Point G, votre nouveau rendez-vous sur l'amour et la sexualité, c'est tous les jours sur le Move à 19h30. Oui, je dis bien votre rendez-vous. C'est vous qui faites l'émission, alors n'hésitez pas, faites le 01 56 40 54 54. Laissez des messages sur notre répondeur. Vous pouvez tout nous dire, vos questions, vos réflexions, vos coups de cœur, vos coups de gueule. Oui, tout ça, par exemple. Ah, les petits loups, ouais, je l'ai dans le cul. Voilà, j'ai trouvé l'amour, quelque chose de formidable. Une passion de 4 ans et j'ai eu une maîtresse. Et la maîtresse, elle est partie. Et je me retrouve tout seul parce que la personne avec qui j'étais, je ne l'aime plus. Ça a cassé quelque chose. C'est terrible. Il faut pas avoir de maîtresse. Alors voilà, j'ai déjà trompé mon copain et mon copain m'a déjà trompé. Parce qu'on avait une sorte de relation non exclusive. Mais elle nous rendait en fait encore plus amoureux. Parce que le fait de savoir qu'il y en avait d'autres nous amenait chacun à essayer d'être le meilleur quand on était ensemble. Aujourd'hui, c'est fini, mais c'était pas à cause de notre non-fidélité, mais plutôt parce qu'on a rencontré des gens avec qui on avait vraiment envie d'essayer la fidélité. Voilà, c'était pour savoir si vous alliez faire une émission sur le plaisir masculin, parce que le plaisir féminin, eh bien, il y a beaucoup de magazines qui en parlent, d'émissions. Ça fait plusieurs années qu'on nous bassine avec le point G, le clitoris, le plaisir des dames, mais on ne parle pas du plaisir des garçons. Mais vos désirs sont des ordres, les chatons. On n'en parle pas assez, docteur, du plaisir masculin? C'est-à-dire que le plaisir masculin semble tellement évident qu'on croit qu'il est arrivé une fois pour toutes et on est dans le tout ou rien. Et qu'il va de soi. Et qu'il va de soi. Alors que, en fait, d'ailleurs, les hommes qui ont découvert qu'ils pouvaient agir sur leur plaisir et qu'ils pouvaient donc le majorer, ils se rendent compte que finalement, ce qui allait de soi n'allait pas tant de soi que ça. Quoi. Ils ont une petite décharge orgasmique, rapide, ou plus ou moins rapide, mais ils ne découvrent la jouissance qu'une fois qu'ils se connaissent mieux. Laissez-moi vous présenter Sylvain Mimoun, gynécologue, andrologue. Vous publiez un nouveau livre aux éditions First, La masturbation rend sourd, 300 idées reçues sur le sexe. Avec vous, nous ouvrons donc un point G consacré au plaisir masculin aujourd'hui parce que oui, bonne nouvelle, nous ne sommes pas une émission de filles. Parce que non, bonne nouvelle aussi, le sexe n'est pas une affaire de filles. Il paraît même que parfois les garçons aussi font du sexe, alors parfois avec d'autres garçons, parfois avec des filles. Et que donc, vous le disiez, ça n'est pas si simple, si mécanique que ça. Mais avant de commencer, docteur, ne perdons pas tout de suite nos bonnes habitudes, une définition de la sexualité, du plaisir, du désir, peut-être, comme vous voulez. La sexualité, c'est d'abord un échange. Et si les deux partenaires échangent, ça devient un plaisir pour l'un et pour l'autre. Ça, c'est la première définition. La deuxième définition, c'est que quand on est en couple éphémère ou durable, il faut qu'il y ait un égoïsme partagé pour qu'il y ait vraiment du plaisir. C'est-à-dire qu'on se dit toujours « je pense à l'autre » et qu'en fait, il faut aussi penser à soi dans la sexualité. Si on pense à l'autre, on s'oublie et si on s'oublie, on n'a pas de plaisir. Moi, j'aime beaucoup cette idée-là. Être égoïste, ouais, un bon programme. Mais égoïste, égal partage aussi. Oui, c'est les deux ensemble. Non, mais sinon, ça ne marche pas être juste égoïste, Mathilde. Pardon, je vois que ça vous arrange, mais non, ce n'est pas si simple que ça. Mathilde Terrier, bonsoir. Bonsoir. Vous aussi, votre mot du jour sur l'amour et la sexualité. Moi, je dirais que c'est un peu comme un porté de Dirty Dancing, mais sans Patrick Swayze. Du coup, on n'est pas toujours sûr d'être bien réceptionné. Voilà. Est-ce que vous dites ça par rapport à votre chute de ce week-end? Non, pas du tout. Du tout, très bien. Vous avez lu la presse féminine et masculine pour nous. Mm-hmm. Je crois qu'il y a une sombre histoire de brocoli à la une cette semaine. Entre la pâte de chameau et le brocoli, je sais pas. Mon Dieu, tout un programme. On verra ça dans une vingtaine de minutes. D'ici là, moi aussi, j'ai trouvé ma phrase du jour. Alors écoutez bien. L'homme a reçu de la nature une clé avec laquelle il remonte la femme toutes les 24 heures. Question, qui a dit ça? Jean-Marie Bigard, Nadine Morano? Les deux. Ni l'un ni l'autre. Il s'agit de l'une de nos plus grandes plumes qui nous a habitués à des envolées un tout petit peu plus flamboyantes, Victor Hugo. Comme quoi, dès qu'il s'agit de sexualité, on a parfois tendance à partir un tout petit peu en sucette. Ouais. Alors on compte sur vous, relevez un petit peu le niveau, essayez de faire mieux que Totor, parler d'amour et de sexualité sur le répondeur du point G, on vous l'a dit, mais vous avez le choix. Vous pouvez aussi nous écrire sur la page Facebook de l'émission point G comme Julia, notre compte Twitter @.Julia et enfin notre mail point G@radiofrance.com. Ne le cherchez plus, point G. On l'a trouvé. C'est tous les jours sur le Move à 19h30. Alors, du point G au point P, il n'y a qu'un pas que nous franchissons donc allègrement. Maintenant, on vous a demandé sur la page Facebook de nous donner une définition du point P. Sylvain Mimoun, vous allez nous dire qui a raison. On a eu plusieurs propositions. Mm-hmm. Vous allez nous dire qui a raison. Je passe sur Jean Gilbert et Florian qui nous disent en substance « Point P, c'est un fournisseur de gros œuvres et de carrelage ». Mmh. Hein, bon, alors, c'est sûr qu'il y a du boulot, mais on n'est pas dans le BTP non plus. Mmh. Hein, coup de chapeau également à Crapaud pour son excellent jeu de mots. Point G, c'est pour que les pros statent. On est bien. Oui, bien. Et en même temps, on dit rien, mais on est en train de brûler quand même. Voilà, on s'approche de la bonne définition. Et puis, il y a une définition de Coralie que j'aime beaucoup. Le point P, c'est un truc que la plupart des hommes nient à voir et refusent de découvrir. Sinon, une petite zone magique qui décuple le plaisir, je dirais. Alors, Sylvain Mimoun, c'est ça ou pas ? C'est ça, mais c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup qui le découvrent parce qu'il faut s'approcher de la prostate. Alors pour s'approcher de la prostate, il faut faire un toucher rectal. Hey. Pas médical donc, mais érotique. Érotique, voilà. D'accord. Donc un massage prostatique agréable, euphorique, etc. D'où une certaine réticence masculine. Voilà, et il faut en fait, tout comme la sodomie chez la femme ou chez l'homme, ça se prépare progressivement. Au niveau de ce massage prostatique, il faut une préparation progressive. On n'y va pas au marteau-piqueur, quoi. Non, ça c'est clair. On évite. Très bien. Jamais de forcing. Petite question d'Aurélia, toujours sur la page Facebook de Point G comme Julia. Une astuce pour localiser avec précision ce point P, point d'interrogation, et est-il pour tous les hommes ? Alors, oui, par définition, puisque... Pour tous les hommes, entre guillemets, éduqués. Éduquer à ce point P. Mm-hmm. De la même façon que le point G, justement, toutes les femmes ne sont pas sensibles si elles n'ont pas été un peu préparées. Si elles sont préparées, petit à petit, elles vont découvrir de plus en plus de plaisir. Bah, chez l'homme, le point P, c'est la même chose. Il faut que petit à petit, ça soit de plus en plus de décontraction et de découverte de ce plaisir. Et en même temps, on ne le dira jamais assez dans cette émission, ça n'est pas une obligation. Ce n'est pas une obligation, exactement. Ah bien. Alors, maintenant, nous avons en ligne celui qui nous a donné envie de faire cette émission autour du plaisir masculin. Fabrice, bonsoir. Bonsoir, Julia. Merci d'être en direct sur Point G. C'était votre coup de gueule, hein. On ne parle pas assez du plaisir masculin, on vous a entendu le dire. Oh, ce n'était pas vraiment un coup de gueule, c'était plus... Une remarque. Enfin, envie d'en parler, voilà. Voilà. Oui, mais moi je suis toujours un petit peu over, hein, c'est-à-dire que plus je peux exagérer, mieux je me porte. D'accord ? Oui. Alors, vous aviez une question à poser aussi, on l'a entendu sur le répondeur, on ne l'a pas diffusée parce que je vous propose de la poser en direct, une question à poser autour du plaisir et de l'éjaculation. Ah oui, voilà, c'est en fait, je voulais savoir si c'était systématiquement lié l'éjaculation et le plaisir. Parce que moi, je n'ai pas l'impression, pour ma part, que ce soit... lié, en fait, voilà. J'ai même l'impression que la plupart du temps, lorsque j'éjacule, je n'ai pas de plaisir. Ah. Donc, alors, je voulais savoir si c'était quelque chose de courant ou pas, si c'était une anomalie. Physiologiquement, le plaisir et l'éjaculation sont deux choses séparées. Donc, on peut avoir l'un ou l'autre, ou l'un et l'autre. C'est-à-dire qu'on peut éjaculer sans avoir de plaisir et avoir de plaisir sans éjaculer. Mais c'est surtout deux phénomènes différents, mm-hmm, qui sont très proches chronologiquement, de quelques centièmes de seconde ou dixièmes de seconde. Mais ce n'est pas l'éjaculation qui déclenche le plaisir. Le plaisir, c'est quelque chose que l'homme ressent par des mini-contractions au niveau du... autour de la prostate et au niveau du canal de l'urètre. Et c'est ces mini-contractions-là qui donnent le plaisir. L'éjaculation, c'est le sperme qui s'écoule ou le liquide séminal qui s'écoule et qui s'évacue. Il y a des hommes qui ont fait du yoga tantrique, par exemple, mm-hmm, et qui arrivent très bien à avoir un orgasme sans éjaculer, et d'autres qui éjaculent trop vite, par exemple, et le plaisir leur échappe. Ça n'a pas le temps de venir. Voilà. Et du coup, ça rend les choses très séparées. Maintenant, pour... Fabrice, oui. Fabrice, oui. Pour vous, est-ce que ce plaisir a toujours été comme ça, très séparé de l'éjaculation ? Est-ce que c'est plutôt en ce moment que ça la survient ? Non, j'ai l'impression que c'est depuis l'adolescence et ma découverte de l'éjaculation, voilà, ça a toujours été comme ça. Et est-ce que cette éjaculation a tendance à plutôt venir vite ou non ? Non. Trop vite ? Non, elle vient pas vite du tout, et c'est de pire en pire d'ailleurs. C'est-à-dire, moi je peux très bien avoir un rapport avec quelqu'un, et en fait je n'éjacule pas, Je peux d'ailleurs être très content, mais ça frustre des fois la partenaire parce qu'elle pense que, en fait, si je n'ai pas d'éjaculation, je n'ai pas eu de plaisir, ce qui n'est pas le cas. Voilà. Il y a aussi un problème dans le couple à ce niveau-là. C'est d'ailleurs pour ça que on peut dire que dans le domaine sexuel, toute vérité n'est pas bonne à dire. et donc, c'est vrai que là, il y a beaucoup de partenaires qui peuvent avoir l'impression que si l'autre... Mais on retombe dans le problème habituel que les hommes rencontrent quand ils demandent, ou que les femmes connaissent, quand ils demandent à leur partenaire femme « Est-ce que t'as joui ?» Sous-entendu, si elle leur dit non, là, ils ont l'impression qu'ils n'ont servi à rien. Ce qui est faux, et ce qui importe, c'est pour ça que je parle d'égoïsme partagé, c'est que chacun se débrouille avec son plaisir et ne pas se dire « il faut que je le fasse pour faire plaisir à l'autre ». Mais donc, ce que vous dites, c'est que la jouissance n'est pas le but ultime du rapport sexuel ? Voilà, d'abord par exemple, ouais. La jouissance n'est pas obligatoire, et plus on a l'habitude, comme Fabrice, de pouvoir... ne pas jouir et être bien quand même, on va découvrir, sans faire du yoga tantrique, on va découvrir une certaine jouissance interne, qui n'est pas la jouissance habituelle qui est accompagnée par l'éjaculation, par exemple. Et on peut être satisfait au départ, ne serait-ce que d'être bien avec la partenaire ou le partenaire qu'on a, et à ce moment-là, se sentir très à l'aise avec ça, et on se sentira de mieux en mieux avec cela, et du coup, le plaisir va aller décuplant. Parce que si j'ai bien compris, Fabrice, le problème pour vous, c'est moins ce que vous ressentez que ce que vous imaginez comme étant normal ou encore le regard ou la réaction de votre partenaire, voilà. C'est ça ? Oui, c'est ça en fait. Déjà, c'est le fait que j'ai toujours eu l'impression, en écoutant l'émission, je me rends compte que c'est faux, que en fait, quand on avait une éjaculation, les autres garçons avaient une espèce de torrent de plaisir incroyable, parce que moi, ce qui n'est pas du tout mon cas. Et en fait, non, moi, mes relations sexuelles me donnent une certaine satisfaction. Je suis content. Je trouve ça très, très bien. Mais j'ai pas forcément l'impression d'être... j'ai pas l'impression d'avoir un orgasme cataclysmique, fantastique, exubérant. Mais moi, ça me frustre pas. Ça, en même temps, vous connaissez l'adage, ceux qui en parlent le plus. Contre, pour ma partenaire, à chaque fois, ça pose problème, quoi. Non, mais cela dit... C'est compliqué, oui. Ce que vous soulignez là, c'est que... J'ai tendance à rappeler à qui veut m'entendre qu'on dit qu'il y a des femmes qui simulent. Il y a peu d'hommes qui simulent. Mais dans les faits, c'est peut-être pas très bien de simuler parce qu'on se leurre soi-même. Mais c'est pas mal de faire du cinéma. Pourquoi faire du cinéma ? Parce que ça amplifie le plaisir de l'autre. Plus on extériorise son propre plaisir et plus on partage avec l'autre. Si vous avez une jouissance normale, entre guillemets, tranquille, mais que vous gardez tout pour vous, du coup, vous ne partagez pas grand-chose avec l'autre. Vous dites que c'est un peu comme un cercle vertueux, la jouissance. Exactement. Et l'expression de la jouissance de l'un va alimenter celle de l'autre. Exactement. Plus on respire fort, plus on bouge fort, plus on n'a pas besoin de pousser des cris au point de réveiller les voisins, mais qu'on exprime... Sauf si les voisins sont gênants et qu'on a envie de les gêner. À ce moment-là, le fait d'exprimer, d'extérioriser ce plaisir-là, c'est quelque chose qui va faire plaisir à vos partenaires et vous faire plaisir à vous par contre-coup. Fabrice, est-ce qu'on vous a répondu ? Non, écoutez, oui. Est-ce que vous avez une autre question, peut-être ? Non, c'est très bien. Là, je vais continuer à vous écouter pour... Ah, mais ça, c'est très, très bien. Un dernier mot par rapport à ça. Par rapport à vos partenaires et à vous-même, dites-vous que ce que vous avez, c'est parfois un orgasme sec. Et le fait qu'il y ait un orgasme sec, c'est-à-dire sans éjaculation, l'orgasme dit plaisir... Et sec, ça veut dire qu'il n'y a pas d'éjaculation. Donc comme ça, vous êtes normal et tranquille. Voilà Fabrice, merci beaucoup de nous avoir appelés. Continuez évidemment à nous laisser des messages sur notre répondeur. Et si comme Fabrice, tous les autres, vous voulez intervenir dans l'émission, vous êtes les bienvenus, faites le 01 56 40 54 54. Sylvain Mimoun, quelles sont les questions que vous posent le plus fréquemment les hommes que vous recevez en consultation ? Le plus classiquement, c'est... pourquoi est-ce que je n'ai pas d'érection chaque fois que je le veux ? Comme si on était un robot et qu'il suffisait d'appuyer sur le bon bouton pour être en érection. Et en même temps, c'est ce qu'on fait croire aux hommes depuis la nuit des temps. C'est-à-dire qu'on leur explique que, chez eux, c'est très simple. Ça marche comme ça, il y a... Malheureusement... On appuie sur le bouton et puis voilà. Et malheureusement, beaucoup de femmes ont sont mis à croire ça, surtout aujourd'hui. C'est-à-dire que les femmes qui ont pris leur pouvoir sexuel en main, si je puis dire, pensent que l'homme est simple et qu'il suffit d'appuyer sur le bon bouton. De la même façon que quand un homme dit à une femme « Alors, où est-ce que tu veux que j'appuie pour que tu aies du plaisir ?» Eh ben, il tomberait toujours à côté. autant pour l'homme, c'est la même chose, quoi. Il y a pas... C'est vrai que habituellement, quand il fonctionne bien, il continuera à bien fonctionner, mais en même temps, le tout ou rien peut l'emmener du côté du rien. Mais alors du coup, c'est une vraie angoisse quand ça ne fonctionne pas comme on voudrait. Alors, j'ai cherché un extrait sonore, je voulais un sketch d'humoriste pour dédramatiser un petit peu tout ça. Et alors, surprise, autant on peut rire du cancer, de la religion, du sida, autant la panne, ah bah non, ça non, c'est plutôt chez une femme qu'on a trouvé de quoi faire. On va écouter un extrait de Crazy, le spectacle de Claudia Tagbo. Tu es dans ton moment câlin avec ton gars et tout, hein. Il a une panne sexuelle. Il est capable de te regarder dans les yeux. Hein? Je comprends pas. C'est la première fois que ça m'arrive. Les mecs, je vous dis ça ce soir. Cette phrase, c'est un mensonge. Cette phrase, elle est juste humiliante pour nous, en fait. Ça veut dire que je suis la fille la moins sexy avec qui t'as fait l'amour depuis. Un mec, dès qu'il est touché dans sa virilité, sa première excuse, c'est toujours hein? Je comprends pas. C'est la première fois que ça m'arrive. Bizarrement, je n'ai jamais fait l'amour avec un mec qui m'a fait grimper au rideau, palpiter le cœur et qui à la fin a fait « Tu sais bébé, c'est la première fois que ça m'arrive. » Je le connais ce sketch, il est très bien. Est-ce qu'il est juste ? Moi, je ne le vois pas comme ça. Je ne le vois pas comme ça en tant que thérapeute, entre guillemets, c'est-à-dire en tant que soignant. Moi, je prends toujours très au sérieux les pannes. Par définition. Ah, hein, mais nous aussi, mais si on passe un sketch comme ça, c'est aussi parce que ça aide à dédramatiser un petit peu tout ça. Non, je sais bien, mais le problème, c'est que, contrairement à ce qui est dit dans ce sketch, il y a beaucoup d'hommes qui peuvent dire « c'est la première fois que ça m'arrive ». Et ça ne veut pas dire qu'ils mentent. Ça peut être vrai. Ça veut dire qu'on est moche. Non, mais justement, non. Non, ça veut dire que tu es moche. Non, je déconne. Non, merci. Mais non, tu es jolie. Non, mais justement, c'est de croire que l'érection, ça dépend de la beauté, en face, ça dépend du désir. Or, c'est pas de ça. L'érection, ça dépend de soi, de l'homme. C'est-à-dire que ça dépend de lui, comment il se sent par rapport à lui. Ça dépend pas forcément du partenaire. Quoi. Voilà, exactement. Ça dépend comment il se sent par rapport à lui. Pour un homme fonctionne bien quand il est rassuré d'abord, stimulé ensuite. S'il a vécu une nouvelle partenaire, a fortiori top niveau, prenant une Miss Monde ou une Miss... Monica Bellucci, allez. Voilà, voilà. Et donc, à ce moment-là, il se dit... Elle est trop bonne pour moi, elle est trop grande pour moi, elle est trop, trop extraordinaire pour moi, et donc je ne serai pas à la hauteur. Et le fait qu'il ne soit pas à la hauteur, il n'aura pas d'érection. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas envie d'elle, il a trop envie d'elle. Et c'est parce qu'il a trop envie d'elle que ça déborde. Alors le problème, c'est que nous, en face, on ne sait pas trop quoi dire, et on a l'impression que quoi qu'on dise, on est à côté de la plaque. Alors, il y a... Ce que je raconte assez souvent, c'est qu'il y a trois attitudes des femmes face à la panne sexuelle de l'homme. La première attitude, la plus habituelle, c'est la femme qui dit « c'est pas grave ». Et elle croit être rassurante. C'est pas rassurante du tout. Hein, je veux dire, un homme qui a qu'une envie, c'est être enfoui sur terre, tout, sur place, parce qu'il est avec ça. Et pareil, on dit pas « c'est pas grave, je vais m'en taper un autre demain ». Encore. Alors ça, c'est la deuxième, c'est la pire. Ça, c'est la deuxième, c'est que la femme s'énerve. Ok. Hein, c'est la plus rare, mais la pire, c'est quand la femme s'énerve. Elle lui dit, tu te rends compte, tous les hommes qui ont envie de faire l'amour avec moi, et à cause de toi, je me retrouve... Bon. Donc là, c'est pas bon du tout. Et la troisième attitude, qui est la plus rarement faite, mais la meilleure, c'est quand la femme ne s'occupe plus de lui, et elle s'occupe d'elle. De son plaisir à elle. Si elle s'occupe de son plaisir à elle, lui, il est rassuré parce que tout d'un coup, il n'a plus rien à faire. Entre guillemets, il n'a pas à montrer qu'il est à la hauteur. La deuxième chose, c'est que le fait qu'elle se donne du plaisir... et qu'elle ait ce plaisir-là, son plaisir à elle va être le vrai stimulus pour lui. Et de cette manière-là, progressivement, les choses se passent de mieux en mieux. Le fameux égoïsme partagé. Voilà, exactement. Le plaisir masculin, on en reparle avec Sylvain Mimoun et Mathilde Terrier juste après ça. Mon époque, le Move, ma radio. Rodéo sur le Move, chaque après-midi, des artistes en live. Wave Machines. Retrouvez les sessions et les vidéos sur lemove.fr. I never learned the trick. I never got my start. You never mentioned it. That I could get up and skip straight to the good part. Rodéo 16h-18h sur le Move. Du 8 au 18 avril, direction Lille, pour la 7e édition du festival Les Paradis Artificiels, avec le Move. Plus de 20 concerts, 40 artistes pour retrouver le meilleur des musiques actuelles. Archive. Bébé Brune, 1995. Naïve New Beaters. Assaf Al-Didane. Bonnie Hawks, Psychiatre de la Rime. Peter Van Paul, Birth of Joy, Sin Cane. Les Paradis Artificiels, c'est du 8 au 18 avril à Lille. Plus d'infos sur lesparadisartificiels.fr et lemove.fr. Le Move. À Lille, 91. À Clermont-Ferrand sur 97.5. Et Bamako. Lemove.fr. Il est 19h50 à la pendule du point G. Marie nous a demandé Pierre Vassiliou. Marie a des goûts un peu bizarres, mais Marie aura son Pierre Vassiliou. Sur la piste glacée, la boîte de nuit à Montpellier. Petite blondinette avec qui je danse, quel âge peux-tu avoir? Écoutez bien les ans, paroles. 17 ans. Tes seins sont déjà lourds, mais aussi déjà durs contre moi. Tu te colles, tu provoques, mon sexe devient dur. Il danse avec le tien. Voilà, mon sexe devient dur, il danse avec le tien. Marie qui nous explique. J'étais en train de bosser sur un festival pour une émission de télé. Le festival avait lieu devant la cathédrale de Reims pour tester le son. L'ingé son a passé ce titre. Ce sont des paroles quand même super crues devant un lieu saint. L'ensemble était super bizarre. Mais visiblement, malgré ça, elle kiffe Marie. Mais elle a le droit, elle a le droit. Alors on va l'écouter un petit peu. Pas trop non plus, voilà, c'est fini. Non, parce que autant on est là pour vous faire plaisir, autant on va pas se faire de mal non plus. Je vous rappelle le numéro du répondeur de Point G, le 01 56 40 54 54. Point G, comme Julia, parce que ça s'écrit avec un G. Et vous êtes bien sûr le Move.G, ça continue en compagnie du docteur Sylvain Mimoun et de Mathilde dite Matou. Alors, dans votre livre, La masturbation rend sourd, il y a tout un chapitre sur le plaisir masculin et sur les idées reçues qui l'accompagnent. Alors, rapidement, dites-nous, docteur, vrai ou faux, les hommes ne sont pas sensibles des seins? Alors, habituellement, non, mais parce qu'ils ne sont pas habitués à cela. Ils ne sont pas éduqués à. À ça, exactement. Donc, apprenez-leur. Vrai voilà. Ou faux, la taille, ça compte pas. Ça, c'est moi qui l'ai rajouté. Je pourrais écrire votre livre si vous c'est bien, voulez. C'est bien. Voilà. La taille, ça compte pas. Très bien. Enfin, un piercing. Sauf cas d'espèce. Très bien. Un piercing sur le pénis permet de mieux sentir les sensations, vrai ou faux? Faux. Bien, alors arrêtez les piercings sur le pénis, en plus c'est laid. Bien. Mathilde en avait une aussi. Oui, une qui a un homme votre musclé attention. Est-il un meilleur amant? Faux. Pourquoi? Même, quoi, ça sert même d'avoir tous ces muscles alors? Pour soi déjà. En parce général, les bodybuilders sont ah oui, très. J'aime bien ça. Les bodybuilders aiment bien les muscles pour eux. Et ils veulent remuscler la verge. Or, la verge, ce n'est pas un muscle. Parce que les bodybuilders sont idiots. C'est faire des haltères, ce n'est pas facile. Hypertrophie du muscle, atrophie du cerveau. Voilà, et la deuxième chose, c'est que hypertrophie du muscle, le sexe paraît d'autant plus petit à côté. Ah oui, effet d'optique. Donc, très, très mauvaise idée. Ceci posé, je pense qu'il est temps d'aller chercher de vraies infos avec de vraies sources et de vrais chiffres. La revue de presse, doudoudoudou. Ouais, et dans cette revue de presse, nous n'aurons jamais peur d'aborder les questions qui fâchent. Comment ça va, Julia, niveau sourcils? Pardon? Oui, oui, Julia, sourcils. Bah, ils sont bien, non? Ils sont. Ah, vous êtes consternante. À la une de Elle cette semaine, sourcils, faut-il s'arrêter de s'épiler? Alors voilà, un magazine qui n'hésite pas à poser le débat, quitte à susciter la polémique. En 2013, il se porte bien épais, avec épi et petits poils qui dépassent. De vrais sourcils sexy, quoi, qui peut vite donner un petit look Emmanuel Chin. Enfin, et à cause de qui on doit se farcir ces deux broussailles sur le front de qui? Je sais pas, Nicolas Jardinier. Mais non, pas Nicolas Jardinier, à cause de Kate, voyons, Kate Middleton. Ah bon, oui, encore elle? Oui, encore là, cette princesse anglaise dont les arcades sourcilières déchaînent les passions. Faut-il se faire des sourcils de Kate? S'interroge à juste titre, hein, Marie-Claire. Non, mais vraie question. Oui, oui, oui, oui, oui. Dossier de fond. Hein. D'après le journal, les londoniennes débarqueraient même maintenant, photo à l'appui de la princesse, dans les centres esthétiques où on proposerait tatouage et un plan semi-permanent similaire. Mais on s'en tape, bordel, hein. À quoi le sourcil intégral ou brésilien? Dire que les mecs ont le privilège de porter la barbe de 3 jours, salaud. Enfin, Mathilde, calmez-vous. Après la question débile, l'objet du mois décerné par Cosette. Et un objet fort utile au quotidien, la coque anti-camelto. Alors, Sylvain Mimoun, la patte de chameau, vous connaissez? Non. Ah, dommage. Attends, elle est visible. Allez-y. La camelto ou la patte de chameau, en clair, tout ce qui imprime votre entrechat en W sur votre pantalon s'il s'avère trop serré. Julia, vous voyez de quoi je parle? Non. D'accord, non. Je vois. Eh bien, grâce à Cosette qui décerne ce mois-ci sa quiche d'or à ce charmant objet, on peut connaître son prix. 12 euros la coque, 5 euros le scotch pour le fixer à sa culotte. Pas très cher, hein. Très pratique et distingué. Je me vois bien dans le métro pour aller au taf. Et merde, je vais encore devoir porter mon manteau toute la journée, j'ai oublié ma coque. Ou le matin au réveil. Eh chérie, t'as pas vu ma coque? Remarquez, c'est peut-être une bonne façon de se faire lourder. Pardon? Bah oui, moi aussi je livre mes astuces pour se faire larguer, vu que les mecs le font dans Glamour ce mois-ci. Ah, le légendaire courage des hommes, n'est-ce pas, monsieur Mimoun? Oui, oui. Les mâles, un poil lâches, ce n'est pas moi qui le dis. Jean-Baptiste le fait très bien tout seul dans cet article. Je cite, « Je ne parlerai pas de stratégie, mais plutôt d'un laisser-aller, d'une forme de démission. » Dante lui conseille à un autre mec de jouer la carte de la passivité. Pour cela, c'est simple, il suffit, dit-il, de ne pas s'impliquer, ne pas s'intéresser à l'autre, ne pas appeler et être égocentrique. Voilà, au moins c'est clair et c'est toujours sympa. Et puis si comme Antoine, vous refusez d'être mou du genou, mais que vous voulez que votre copine vous quitte, eh bien faites comme lui et rentrez à la maison avec un mec. Allez, trêve de plaisanterie, c'est l'heure du courrier du cœur. Rien à voir avec le mambo, c'est un feeling. Un battement de cœur. Cocon. Cœur-cœur. Cocon. Le courrier du cœur. Cocon. Alors, Lucie dans Gradia cette semaine. Je fréquente un garçon depuis plus d'un an. Le week-end, nous sommes très complices, mais le lundi, plus rien. Il ne me dit pas bonjour, m'ignore et me méprise. Et Lucie, mais tu l'as pas reconnu? Mais c'est Mister Connard! Il avait peut-être pas mis sa cape ce jour-là, mais c'est lui, hein? T'inquiète, on met un peu de temps à le démasquer, mais on en a toutes. On en a toutes eu un. De Mister Connard, non? Vous le savez, oui, quand même, oui, oui. Un monsieur connard. Aussi, peut-être, monsieur. Oui, oui, c'est vrai. Et que, bah, une personne avertie en vaut deux, comme on dit. Exactement, voilà. Il suffit de savoir le dépister de loin. Ensuite, deuxième courrier. Un anonyme dans l'exceptionnelle revue Men's Health. Je mangerai du brocoli plus souvent, si j'en appréciais le goût. Mais comment puis-je contourner le problème? Il n'y a pas une question là-dessus. T'as pas autre chose à dire? Mais qu'est-ce qui se passe en ce moment dans ta vie pour en arriver là? À quoi ça sert de se galérer à écrire un magazine si c'est pour poser une telle question? Non, je sais pas. Alors le journal qui prend tout de même la précaution de répondre à cette personne qui a préféré rester anonyme. Au passage, on comprend pourquoi. C'est pas facile à avouer. Et il lui répond sur trois colonnes. Alors pour votre gouverne, sachez qu'il est conseillé de le consommer avec de la moutarde ou dans son sandwich à la place de vos feuilles de salade. Mais c'est super intéressant. Vous avez passé un super week-end. Alors la famille du chou qui a l'air d'être une véritable obsession pour ce magazine, puisque l'on retrouve en page 39 la pointilleuse enquête « Comment retirer la nervure centrale de la feuille de chou ?» Un problème auquel chacun d'entre nous dans son quotidien doit faire face et Dieu sait que c'est pénible. En même temps, ce même magazine nous propose page 49 dans sa rubrique, je cite, comment tout faire mieux? Comment fabriquer son propre chewing-gum? Non mais ils ont confondu leur lecteur avec ceux d'Astrapi ou quoi? Non mais remarquez, ce sont les mêmes qui nous enseignaient la semaine dernière, je sais pas si vous vous en souvenez, mais comment bien rouler une pelle. Donc savoir concevoir son chewing-gum tout seul, c'est plutôt utile. Finalement, entre Men's Health et Sensuel, je ne sais pas des qui des deux je préfère, mais je vous dirai ça la semaine prochaine. Mais on a hâte, Mathilde, surtout. Revenez nous en parler. Un peu de musique avant de se quitter. Musique choisie par Eric, qui nous explique. C'est juste que quand je conduis et que j'entends ça, j'ai la gaule. Alors, question. Pourquoi que, quand vous conduisez, réponse, les hommes sont étranges parfois, mais les hommes ont bon goût. Alors, on écoute un petit peu. Laisse-moi sous-sous aide dans ta Benz. Quand tu pointes ton bumper, ça me rend ting-ting-ting. Laisse-moi sous-sous aide dans ta Benz. Quand tu pointes une ton voiture bumper, qui ça me rend ting-ting-ting. Pardon. Alors le docteur Sylvain Mimoun a quand même dit, éminent expert, hein, il a quand même dit, il doit avoir une voiture qui vibre. Alors Eric, as-tu une voiture qui vibre? Si oui, dis-le nous sur la page Facebook de Point G comme Julia. Carré sur le groove, j'aime les girls, surtout quand les girls move, move up, move up. Et c'est donc avec les Brigitte qu'on va se quitter. Merci Sylvain Mimoun d'avoir passé cette demi-heure avec nous. La masturbation rend sourd, 300 idées reçues sur le sexe, c'est aux éditions First. Vous revenez nous en parler, bien sûr, quand vous voulez sur un des autres chapitres du livre. Vous êtes le bienvenu dans Projet. Merci à vous, en tout cas. Mathilde, vous revenez la semaine prochaine. Essayez d'avoir de saines lectures d'ici là, un peu de chasse et pêche, je ne sais pas. Peut-être un quelque truc, chose sur le navet, je ne sais pas. On l'espère. Merci à toute l'équipe de Point G, Gilles Gaillard, Romy Engels et Julie Verne. On revient demain. Demain, on parle de vie et de couple et de compte commun. Bah oui, ça n'a pas l'air comme ça, mais ça peut être très, très sexy, un compte commun. Et on vous laisse en compagnie d'Hashtag sur le Move.